3 piges, la putain de sa mère, pour que la caillasse amène. J'en ai marre de tuer mes neurones et d'user mes semelles. Entouré de poires, de tasses et de semelles. Je suis un de ces jeunes qui souhaitent baiser la France et je veux l'entendre crier, faut pas qu'elle simule. Je me sens si mal, c'est comme si j'étais à 100 000 lieues sous la mer. Sache que seul ou avec ma horde, dans mon crâne c'est le bordel. Vu que je smoke et je bois pas de contrex, dans les fouilles du feu, des clopes, un paquet d'yeux, du touch dans les Air Max. Tu connais le contexte, n'est-ce pas? La vie coûte rush et le manque d'oseille ainsi. Tout le monde a affaire du Nesby. Mais dans l'illicite, tout le monde n'a pas la chance de ses peu. Y'a trop de putes, trop de porcs, trop de rapia. Trop de juges qui t'allumeraient à la barre si jamais tu dérapais. Mais va leur expliquer à tous ces sarcosistes que c'est pas la meilleure thérapie. Ils essaient de te briser le moral, t'éloignes de tes remparts. J'ai le cœur serré, donc je suis obligé de faire pleurer ma plume. Le mic dans la paume, je déverse des kilogrammes de rimes sur feuilles blanches. Tu plaques vénère, monsieur Hex. Ok, ok. J'ai pas peur de perdre, mais j'avance à savoir où. Pendant que les frères perdent leur temps à fumer de l'herbe sous les verrous, c'est pour les héros. Renoir, Abza et même les roues, laisse-moi les roues défoncer, ça éclate comme à Beyrouth. Pour les miens, ceux avec qui j'ai usé mes semelles, c'est abusé. Si le shit à nous berne depuis la maternelle, pendant que le temps passe comme l'oseille. Et les gens se divisent, normal ici chacun essaie de récupérer sa mise. De toute façon, baise. Toi et ton polyte, c'est quand tu réussis que les mecs veulent voir. Si t'as l'air insolite, situation insolite. Donne-moi ce que je mérite, quand on a rien, ensemble on lutte. Mais la réussite, c'est personnel comme un pute. Donne-moi un spliff, un bon casso, c'est un beat. Pour la mif et orageux, je viens dédicacer ma bite. On fait des sons, ma parole, tu flippes. C'est Black Vélaire, l'arme du crime en train de torturer le beat. Ouais mon pote, notre son, il casse des briques, l'art de l'écriture street. On vient défoncer l'industrie de manière street. Fuck les têtes, mon string, tu trouveras sur le manuscrit. C'est Black Vélaire, l'arme du crime, efficace, crew et eclipse. On fait des sons, ma parole, tu flippes. C'est Black Vélaire, l'arme du crime en train de torturer le beat. Ouais mon pote, notre son, il casse des briques, l'art de l'écriture street. On vient défoncer l'industrie de manière street. Fuck les têtes, mon string, tu trouveras sur le manuscrit. C'est Black Vélaire, l'arme du crime, efficace, crew et eclipse.